Quand on se rendu là, d'ici ce jour-là, on peut même s'amuser à te dépens. Ce sera la fin quand on sera rendu là. Mets des points chers, j'envoie tes souliers. Cache tes lunettes derrière les assiettes. Fais livrer la pizza chez toi et toi et Joe. À l'heure des repas. Mets du sel dans ton sucrier. Ce sera la fin quand on sera rendu là, ici ce jour-là, on peut s'amuser à tes je veux t'aider par la chute dorée, puis gagner les élections en trichant avec un petit peu. Profiter des pauvres gens, s'inventer dans les médias, puis fêter ça avec nos amis, avec les amis. Ce sera la fin quand on sera rendu là, d'ici ce jour-là, on peut bien s'amuser à tes dépens, à tes dépens. Mets des poches.